Jérémie chapitre 9. Plus à Dieu que ma tête fût comme un réservoir d'eau, et que mes yeux fussent une vive fontaine de larmes, et je pleurerais jour et nuit les blessés à mort de la fille de mon peuple. Plus à Dieu que j'eusse au désert une cabane de voyageurs, et j'abandonnerais mon peuple, et me retirerais d'avec eux, car ils sont tous des adultères, et une troupe de perfides. Ils ont tendu leur langue, qui leur a été comme leur arc pour décocher le mensonge, et ils se sont renforcés dans la terre contre la fidélité, parce qu'ils sont allés de malice en malice, et ne m'ont point reconnu, dit l'Éternel. Gardez-vous chacun de son intime ami, et ne vous fiez à aucun frère, car tout frère fait métier de supplanter, et tout intime ami va médisant. Et chacun se moque de son intime ami, et on ne parle point en vérité, ils ont instruit leur langue à dire le mensonge, ils se tourmentent extrêmement pour mal faire. Ta demeure est au milieu de la tromperie, ils refusent, à cause de la tromperie, de me reconnaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, voici, je m'en vais les fondre, et je les éprouverai. Car comment en agirais-je autrement à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait décoché, elle profère des fraudes, chacun a la paix dans sa bouche avec son intime ami, mais dans son intérieur il lui dresse des embûches. Ne punirais-je point en eux ces choses-là, dit l'Éternel. Mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation qui est telle? J'élèverai ma voix avec larmes, et je prononcerai à haute voix, une lamentation à cause des montagnes, et une complainte à cause des cabanes du désert, parce qu'elles ont été brûlées, de sorte qu'il n'y a personne qui passe, et qu'on n'y entend plus le cri des troupeaux, les oiseaux des cieux et le bétail s'en sont fuis, ils s'en sont allés. Et je réduirai Jérusalem en monceau de ruines, elle sera une retraite de dragons, et je mettrai les villes de Juda en désolation, tellement qu'il n'y aura personne qui y habite. Qui est l'homme sage qui entende ceci, et qui est celui auquel la bouche de l'Éternel est parlée, qui en fasse le rapport, et qui dise, pourquoi le pays est-il désolé, et brûlé comme un désert, sans que personne y passe? L'Éternel donc a dit, parce qu'ils ont abandonné ma loi, laquelle je leur avais proposée, et qu'ils n'ont point écouté ma voix, et n'ont point marché selon elle. Mais parce qu'ils ont marché après la dureté de leur cœur, et après les Baalins, ce que leurs pères leur ont enseigné. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je m'en vais donner à manger à ce peuple-ci de l'absinthe, et je leur donnerai à boire de l'eau de fiel. Je les disperserai parmi les nations que ni eux, ni leurs pères, n'ont point connues, et j'enverrai après eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai consumées. Ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez, et appelez des pleureuses, afin qu'elles viennent, et mandez les femmes sages, et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent, et qu'elles prononcent à haute voix une lamentation sur nous, et que nos yeux se fondent en larmes, et que nos paupières dégouttent en eau. Car une voix de lamentation a été ouïe de Sion, disant, comment avons-nous été détruits? Nous sommes fort confus, parce que nous avons abandonné le pays, parce que nos tentes nous ont jetés dehors. C'est pourquoi, vous, femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille reçoive la parole de sa bouche, et enseignez vos filles à lamenter, et chacune sa compagne à faire des complaintes. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle est entrée dans nos palais, pour exterminer les enfants, tellement qu'il n'y en a plus dans les rues, et les jeunes gens, tellement qu'il n'y en a plus par les places. Dit, ainsi a dit l'Éternel, même les corps morts des hommes seront étendus, comme du fumier sur le dessus des champs, et comme une poignée d'épis après les moissonneurs, lesquels personne ne recueille. Ainsi a dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie point en sa sagesse, que le fort ne se glorifie point en sa force, et que le riche ne se glorifie point en ses richesses. Mais que celui qui se glorifie en ce qu'il a de l'intelligence, et qu'il me connaît, car je suis l'Éternel, qui fait miséricorde, et jugement et justice sur la terre, parce que je prends plaisir en ces choses-là, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je punirai tout circoncis ayant encore le prépuce. L'Égypte, et Juda, et Édom, et les enfants de Ammon, et Moab, et tous ceux qui sont au bout des coins, habitant dans le désert, car toutes les nations ont le prépuce, et toute la maison d'Israël a le prépuce du cœur.